dans des jardins à la française, nous avons fait nos premiers pas. Quelque part il y avait la Marseillaise qui faisait de l'œil à papa. C'était carré comme l'amertume et taillé comme des pavés. On n'y voyait jamais la brume, même le vent n'osait pas y aller. Même le vent n'osait pas y aller. Dans des pensées à la française, nous avons fait nos premiers sauts, comme des paras du haut d'une chaise, qu'auraient des nuages à ses barreaux. On s'est lancé d'un coup d'un seul de cet avion comme des idiots. Si on s'est pas cassé la gueule, c'était pas de la faute à Rousseau. C'était pas de la faute à Rousseau. Dans des amours à la française, nous avons fait nos premières dents. Quand on ouvrait des parenthèses, c'était pour y voir l'océan. Quand par hasard le rossignol venait se poser sur nos mains, on pouvait pas suivre une parole, vu que ce qu'on l'a causait latin. Vu que ce qu'on l'a causait latin. Dans des costards à la française, nous avons fait nos premières plumes. On a vécu notre genèse entre le marteau et l'enclume. C'était l'honneur, patrie, famille, vu qu'à cette époque, mon vieil ami, on connaissait pas la faucille et que notre drapeau sentait la nuit. Et que notre drapeau sentait la nuit. Toutes ces choses-là, à la française, nous en avons fait, Dieu sait quoi. On s'est mis depuis longtemps à l'aise, on écoute pousser les lilas. En attendant le matricule qu'on nous collera sur la poitrine, quand le monde avance, nous on recule et on se laisse pousser des épines. Et on se laisse pousser des épines. Dans un cimetière à la française où l'on a semé nos derniers mots, sûrement qu'on filera à l'anglaise boire en enfer un dernier pot. Boire en enfer un dernier pot. Boire en enfer un dernier pot. Boire en enfer un dernier pot. Boire en enfer un dernier pot.